Fugain a 30 ans et il voit sa troupe comme le symbole d'une nouvelle société, abreuvée d'amour et de libertés en tout genre. C'est dans cet esprit qu'il compose une belle histoire où il imagine une love story sous le soleil américain de la mythique Route 66. Un couple, Patogas et sac à dos, le pouce levé qui, en toute liberté, traverse les États-Unis. Nicolas Lespaul. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. La musique est là, il ne reste plus qu'à écrire les paroles et c'est Pierre Delanoë qui va s'en charger. Sauf qu'à cette époque, le célèbre parolier a déjà vécu son rêve américain. Alors il écrit une romance pleine de fraîcheur et d'insouciance, mais il la transpose sur le bord de l'autoroute des vacances, celle qui relie le Nord au midi de la France. Inutile de dire que Michel Fugain n'est pas très emballé, mais il comprend vite que le public français s'identifiera mieux à cette histoire. Malgré ses doutes, ce slow ensoleillé va connaître un succès spectaculaire. Cette belle histoire d'amour libre devient rapidement l'hymne d'une époque et inévitablement un collector qui met tout le monde d'accord. Collector, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Une belle histoire, c'est un beau roman raconté par Nicolas Lespaul et chanté évidemment par Michel Fugain. C'était le collector du jour. Il est 16h36, bienvenue sur France Bleu en ce mercredi après-midi. On va jouer tous ensemble maintenant, que vous soyez au travail, à la maison, dans la voiture, peu importe. Prenez un petit moment pour nous passer un coup de fil au 03 26 48 2000 et pour tenter de gagner, alors par tirage, hein, ce sera lundi, vos deux places pour le spectacle sur les plus belles chansons de Michel Sardou, la comédie musicale Je vais t'aimer. Ce sera le Casino de Paris pour le 27 janvier précisément, en 2024. Donc on vous offre les deux places au Casino de Paris, le transport aller-retour hein, pour les deux personnes, bien entendu. Les nuits d'hôtel et petits déjeuners, tout ça, c'est compris. C'est vraiment le package complet pour vous envoyer au Casino de Paris. Allez voir Je vais t'aimer, donc le spectacle sur les belles chansons, Michel Sardou. Et puis, vous gagnez aussi maintenant là, deux passes, enfin, une place pour deux personnes. C'est un pass dégustation à l'occasion du festival Champagne et vous, dont France Bleu est partenaire. Ça se déroule ce week-end, les 21 et 22 octobre à Château-Thierry. On en a parlé d'ailleurs, on avait invité les organisateurs il y a deux jours, si je ne m'abuse. Donc ce beau festival sur le champagne avec dégustation pour vous, c'est à gagner. Plus, je le rappelle, Je vais t'aimer, spectacle de Michel Sardou. Et pour ce faire, puisqu'on parlait de champagne et vous, tiens, une question là, c'est pas toujours le cas, mais là une question, je vous demande les trois cépages de la champagne. Bon bah il y en a trois, les trois principaux cépages de la champagne. Quels sont-ils? Je ne fais pas évidemment des propositions. Vous les avez sûrement en tête, ces cépages de la champagne Ardennes, de la champagne en tout cas. Cépages, ils sont trois. Quels sont-ils? 03 26 48 2000. Soyez forts, soyez rapides. On vous attend tout de suite. Je veux les trois cépages de la champagne. Merci. France Bleu, supporter du 15 de France. jusqu'au 28 octobre. Assistez au match de la Coupe du Monde de rugby en direct et sur écran géant, place Foch à Châlons-Champagne avec le COC Rugby. Animation, terrain de rugby sur place, restauration et nombreuses surprises. La Coupe du Monde de rugby, à vivre sur écran géant, place Foch à Châlons-Champagne avec France Bleu Champagne-Ardenne. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Un point météo sur la Marne et les Ardennes. Je regarde les relevés de Météo France concernant les températures en ce moment. On a un bon 14 degrés à Charleville, 17 du côté de Reims, même un poil plus que 17. On a 19 à Chalon, 18 à Épernay et 21 à Vitry-le-François. C'est finalement assez doux pour les températures. En revanche, bah oui, je le vois comme vous, on constate ce ciel bien gris, nuageux. On a déjà quelques averses ici ou là et des petites pluies qui tomberont encore en début de nuit. Le temps ensuite deviendra sec, nous dit Météo France, et puis demain c'est un ciel variable qui va régner d'abord sur une grande partie de la journée avec parfois un ciel changeant, des averses qui se déclenchent ici ou là, et puis il faudra attendre demain la fin de journée pour retrouver un petit peu de soleil. C'est déjà une bonne nouvelle concernant le mercure demain, 18 à 20 degrés nous indique Météo France. Et pour la qualité de l'air selon Atmo Grand Est, elle est moyenne sur la Marne et les Ardennes. Plus de musique à écouter, plus de musique à partager. On va mettre le feu dans la radio dans un instant avec Katy Perry qui chante Firework. Mais tout de suite une nouveauté, Santa, popcorn salé. Entre 16h et 19h, la musique en mode happy hour est sur France Bleu. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. Je t'emmène loin, regarder le monde. Entre 16h et 19h sur France Bleu, la musique est en mode happy hour. Une nouveauté à découvrir, un tube pour se faire plaisir. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just own the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show them what you work, make them go. Sur France Bleu Champagne-Ardenne, c'était Firework. 16h-19h sur France Bleu Champagne-Ardenne, c'est ici que ça se passe. Et c'est le double jeu, on va accueillir pour jouer avec nous Christophe de Tinqueux. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour. Comment ça va Christophe? Ça va, par le temps, ça va. Arrêtez le temps. Vous entendez ma voix, c'est l'automne qui est arrivé, on l'a dans ma voix aussi ce temps-là. Un peu chaotique. Bon Christophe, vous êtes en voiture j'ai l'impression là. Exactement. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison? Le boulot est fini? Non, je suis en repos le mercredi, là. J'étais chez le kiné et là, je vais aller chez mon caviste faire un petit tour à Besançon. D'accord. Après le kiné, on va se réconforter, c'est ça? Voilà. Bon, ben vous avez raison, Christophe. Alors, si vous allez chez un caviste, je me dis que vous vous y connaissez un petit peu en vin, en champagne, alors, non? Un petit peu, ouais. Ouais. Christophe, c'est quoi les trois cépages de la champagne? Bon, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Ouais. Vous voulez laisser Paul oublier ou pas? J'étais sûr qu'il allait me dire ça. On a 7, sept cépages. Sinon, on a l'Arbane, le Petit Mélier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris. Ce sont des cépages très peu utilisés aujourd'hui parce que c'est des cépages qui n'ont pas survécu aux maladies à l'époque, au phylloxéra ou autre. Absolument. Bon. Voilà. Vous en connaissez un rayon? Vous ne seriez pas œnologue ou quelque chose comme ça, des fois, Christophe? Presque. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, je vous dis pas que c'est une bonne réponse, vous le saviez déjà. On vous offre votre passe dégustation, alors pour deux personnes, à Champagnez-vous. Ça se déroule ce week-end à Château-Thierry, un festival sur le Champagne, dont France Bleu est partenaire. Bon, bah voilà, même si vous connaissez déjà un rayon sur le Champagne, vous irez sûrement faire un tour. Ouais, mais il faudra le donner à quelqu'un d'autre, parce que moi je travaille, donc... Ah. C'est ballot, vous avez appelé pour ça. On va l'offrir à quelqu'un, Christophe. En tout cas, on vous inscrit, ça c'est sûr, pour le tirage de lundi à 13h50 avec Willy Rovelli, à gagner le spectacle. Mais je préfère que ça soit donné à quelqu'un que, voilà. Alors juste, je finis, Christophe, et puis après, je vous promets, on s'occupe de vous hors antenne. Je vous inscris pour le... Voilà, et ben on va s'occuper de vos antennes. Merci Christophe, bonne route et puis à très très bientôt sur France Bleu. Ah, ça y est, je suis garé, merci beaucoup et puis bonne journée à vous, bonne fin de journée. Voilà, ne raccrochez pas, on vous reprend hors antenne pour régler tout ça. Je voulais juste dire que Christophe était en plus inscrit pour le grand tirage de lundi pour gagner le spectacle de Michel Sardou, les plus belles chansons de Michel Sardou, pardon. Je vais t'aimer au Casino de Paris en janvier prochain avec l'hôtel, les petits déj, la totale. Et ben voilà les amis. On rejoue au double jeu sur France Bleu avant 19h avec d'autres cadeaux, évidemment. Alors, c'est bien de jouer pour soi ou pour les autres. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas, comme Christophe, quand des fois vous avez un cadeau, vous dites, tiens, je ne pourrais pas y aller. Mais peut-être que dans votre entourage, auprès de vous, votre ami, votre famille, je ne sais pas qui, peut-être intéressé. Donc, voilà, vous gagnez des cadeaux, puis vous les offrez à vos proches, tout simplement. Bon après-midi, c'est ici que ça se passe sur France Bleu. Les infos de 17h, évidemment, c'est dans un peu moins de 10 minutes. Et puis, tout de suite, en faire un petit voyage avec Axel Bauer. Voici Cargo. 35 jours sans voir la terre, plus l'oreiller est mal rasé. On vient de débarquer. Cargo de nuit. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. La nuit de nuit change de port. Cargo de nuit. J'avance sur ce quai humide. France Bleu. Axel Bauer, il est 5h05, l'info arrive bien sûr, c'est le journal. Mais d'abord, les petits bonheurs des auditeurs. Et maintenant, on va écouter Marilyn, qui est ardennaise. Écoutez. Bonjour France Bleu. Je m'appelle Marilyn, je suis ardennaise, j'adore la forêt ardennaise, les beaux petits coins, la fraîcheur de la forêt ardennaise, surtout dans le nord des Ardennes. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur pour moi, c'est jardiner. On ne pense plus à rien, on jardine, on a l'esprit ailleurs, sur des fleurs, les légumes. Voilà, c'est ça le bonheur. Mon dessin animé préféré, hein, c'était Candy avec le prince, l'histoire Candy, le prince Anthony. Voilà, c'était mon dessin animé préféré, mais il y en a eu d'autres. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Si j'étais une héroïne d'une autre époque, on a connu par exemple Coco Chanel, son élégance, sa créativité, ses tailleurs, enfin toute sa créativité dans le monde de la mode, ça serait Coco Chanel, oui. Une musique pour faire la fête? Ah bah Étienne Dao, Weekend à Rome, par exemple. Weekend à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps. Alors, quelle chanson tu nous chantes là? C'est chanter l'IO. Écoutez. Et quand même, il y a une brune. Les brunes comptent pas pour des brunes. On a du caractère dans nos artères. C'est du sang chaud, tout coule, on la joue pas foule. Et ben voilà les petits bonheurs de Marilyn. Merci beaucoup d'avoir poussé la chanson également. Bon début de soirée avec France Bleu. Dans un instant, les infos. France Bleu craque pour Grand Corps Malade. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève. Je me garde. Est-ce qu'on retient les rêves? Grand Corps Malade retient les rêves en ce moment dans votre playlist. Est-ce qu'on retient les rêves si nous voulons? 100% France Bleu. Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche. No sunshine when she's gone. France Bleu. France Bleu Collector. Way, yeah. C'est nos limites. Sur les pépites. France Bleu Collector, le son qui met tout le monde d'accord. Tous les soirs, dès 23h. Pourquoi préférer MAF Pro? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Champagne-Ardennes. Alors, bienvenue sur France Bleu Champagne-Ardennes aujourd'hui, mercredi, les 17h. C'est ici que ça se passe, se poursuit jusqu'à 19h, mais d'abord, l'info, puisqu'il est tout pile poil 17h, le flash avec Marine Lougeni. Plusieurs aéroports régionaux et le château de Versailles évacués aujourd'hui. Depuis vendredi et l'attentat d'Arras, les fausses alertes à la bombe se multiplient et mobilisent forcément à chaque fois Aurélien Tirard de nombreuses forces de police.

Il est 17h05 et c'est le nez quelque peu enrhumé que je m'adresse à vous, mes amis, et pardon pour ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en direct avec, bien sûr, votre agenda loisir dans un instant, histoire d'avoir quelques pistes de sortie, des idées pour les jours à venir et pour les vacances. Tiens, en fait, c'est vrai, les vacances arrivent bientôt, c'est les vacances d'automne. On retrouvera aussi Déborah Grunewald dans le rétro, comme tous les jours. Et cette semaine, Déborah accueille les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, bien sûr, à l'occasion de la sortie de leur nouveau film. Mais avec eux, on évoque évidemment leur carrière et puis leur vie dans toute intimité au micro de Déborah Grunewald. Terre de Champagne-Ardenne à 17h25 avec Olivier Catio qui sera avec la police de l'environnement. Eh ben oui, c'est important aujourd'hui ça. On va en parler donc dans notre région dans une vingtaine de minutes. Et puis à 17h30, je recevrai Romain Gaudreau de Quartier Libre à Reims qui viendra nous annoncer les festivités, les événements qui arrivent dans ce lieu de sortie de loisirs et de culture à Reims, Quartier Libre. Il y a plein de choses, notamment un grand blind test. On aime tout ça. Vous savez, les blind tests, on passe des musiques, il faut reconnaître, etc., etc. On vous parlera de tout ça. Donc, c'est à 17h30 sur France Bleu. Un titre écouté, un titre offert. À suivre Imagination pour Justin Illusion. Et puis tout de suite, Hey Bro, on écoute Héloïse. Entre 16h et 19h, la musique en mode Happy Hour est sur France Bleu. France Bleu. À cette colère, ramassant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey bro, staring at the sky, and I see you, bro. J'aimerais t'en serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt. Et 19h, faites-le plein de musique. Un titre écouté, un titre offert. C'est ça la musique en mode Happy Hour sur France Bleu. France Bleu. Imagination, le groupe Imagination, oui, avec Justin Illusion sur France Bleu. 16h-19h sur France Bleu Champagne Ardennes, c'est ici que ça se passe. Avec une soirée spectacle humour, c'est du théâtre de boulevard. Ça va se passer le 20 octobre, donc ce vendredi, au Royal Comedy Club de Reims. Le spectacle s'appelle « Chéri, faut qu'on parle ». Et c'est l'histoire de Sandrine, de Patrick, qui sont fous amoureux l'un de l'autre, mais avec un très très petit point de discorde. Sandrine, elle rêve d'un enfant, mais pour le moment, le seul enfant qu'elle ait, c'est son immature de Patrick. Du théâtre de boulevard qui a été salué d'ailleurs, puisque ça a été le prix du Printemps du Rire il y a quelques années. Plus de 900 représentations pour cette comédie, Chéri, faut qu'on parle. C'est donc Royal Comedy Club de Reims, le 20 octobre prochain. Et puis le 3 novembre prochain, Jane va passer par Reims à l'Arena. Alors Jane, vous connaissez, on l'a découverte avec ceci. Ça a été le titre qu'il a révélé. Jane, elle est revenue depuis avec un nouvel album et avec ceci. Jane sera donc en concert à Reims le 3 novembre prochain, c'est à l'Arena de Reims. Vous avez de quoi vous informer sur le concert, réservez vos billets, j'ai vérifié, il y a encore des billets, rassurez-vous. Allez sur internet, vous tapez reimsarena.com, reimsarena tout attaché, .com pour décrocher vos tickets pour le spectacle de Jane. Simone sur France Bleu, il chante Shining Light et Aimé Simone sera en concert à Reims, ce sera à la Cartonnerie le 17 novembre prochain. On retrouve maintenant Déborah Grunewald dans le rétro. Chaque jour, on découvre une petite partie de l'interview qu'on pourra découvrir en intégralité ce samedi 14h-15h. Cette semaine, Déborah reçoit les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache. Il y a quelque chose qui fait peur avec l'algorithme, c'est d'être abreuvé de soi-même. Abreuver des avis qui nous disent puisque vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, et donc on n'est plus confronté à l'opposition. Et donc ça a créé d'ailleurs des grosses surprises. Il y a eu des études, notamment au moment du Brexit ou de l'élection de Trump, où les gens ne s'attendaient pas du tout, parce qu'ils étaient abreuvés de gens qui pensaient comme eux. Je pense que le dialogue, il faut le maintenir, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Le dialogue est rompu aujourd'hui, et déjà depuis longtemps d'ailleurs sur un sujet en particulier, Israël. J'imagine que vous avez des proches là-bas, des potes. Comment vous vous sentez? Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas.

and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Now, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. Sky, do you think time would pass us by? Thousand Smiles, c'était Vanessa Carlton sur France Bleu Champagne-Ardenne. 17h25, voici Terre de Champagne-Ardenne. Et dans notre série de reportages Terre de Champagne-Ardenne avec Olivier Catuo, aujourd'hui on va le retrouver avec la police. Alors il n'a pas les menottes aux mains, rassurez-vous, il est avec la police de l'environnement. Depuis Châlons-en-Champagne à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, je suis avec Cédric Masson, il est référent police, policier de l'environnement. Il y a 15 agents en tout par département. Bonjour Cédric. Bonjour. Quel est le métier de policier de l'environnement ? Alors, métier de policier de l'environnement, c'est, alors de manière très simple, c'est faire respecter la réglementation qui est liée au code de l'environnement. En termes de missions, c'est-à-dire des missions qui sont assez larges, basées sur les milieux aquatiques, et d'autres missions basées sur la faune terrestre. Et de manière générale, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les milieux, les espèces, c'est des choses qui sont en régression un peu partout, aussi bien en qualité qu'en quantité. Et du coup, notre mission à nous, c'est de protéger aussi ce qu'il y a encore. Et vous êtes habillé en uniforme, vous avez une arme également. Dans quel cas, quels sont les exemples d'intervention toute l'année que vous faites ? Par exemple, à l'automne, on sait qu'il y a des enjeux, surtout dans la Marne, hein, par rapport au champagne, par rapport à la qualité de l'eau qui peut en découler suite à des pollutions. On peut aussi mener des contrôles de chasse, on peut mener des contrôles sur les pêcheurs, on mène aussi des contrôles sur la gestion quantitative en plein été, hein, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau national, on sait très bien que l'aspect quantité de l'eau est une thématique très importante. Ce ne sont que des exemples, hein. Si je rentre dans le détail, on peut y encore y passer la journée, mais ce sont quelques exemples de missions que nous pouvons mener. Quelles sont les missions qui vous ont le plus marqué, pour lesquelles vous êtes le plus fier ? Les plus fiers, alors c'est tout est question de point de vue, mais il y a quelques exemples de pollution quand on arrive sur des rivières où on sait que, dernière, c'était en 2018, il y a une grosse pollution sur le Surmelin, 20 km des poissons morts, et on a réussi à remonter jusqu'à l'auteur. Alors d'une certaine façon, on est fiers d'avoir remonté jusqu'à l'auteur. De l'autre, ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même constaté une grosse perte de biodiversité sur 20 km de rivière. Et c'est le principe du pollueur-payeur, trouver le responsable en fait. Exactement, trouver le responsable, parce que d'une certaine façon, il faut quand même que ce soit puni, c'est répréhensible, et d'ailleurs c'est un gros dommage à l'environnement. Maintenant, dans un monde idéal, il n'y a pas de pollution et tout se passe bien pour la biodiversité. C'est un travail d'enquêteur ? Il y a quand même un travail d'investigation sur le terrain. Quand on constate des infractions sur le terrain, il faut bien en rechercher l'auteur, les effets et la cause. Donc tout ça, c'est un travail d'enquête. Derrière, quand il y a une enquête en cours, on a tout à fait les prérogatives pour mener les auditions, pour interroger les personnes, les mises en cause. Et ensuite, nos procédures vont directement au tribunal. avec la possibilité de mettre des amendes. Ou d'autres mesures d'ailleurs, parce que dans certains cas, qui ne sont pas forcément des cas très graves, on peut aussi avoir d'autres mesures qui s'en suivent, comme de la sensibilisation à l'environnement et d'autres choses. Mais c'est pas forcément la sanction tout de suite, c'est aussi tout un travail de pédagogie qui est fait. Exactement, et là, d'ailleurs on considère aussi que la pédagogie, ça reste le plus gros du travail. Parce que si on permet d'éviter des infractions, ou si on permet d'éviter qu'elles se reproduisent, justement là on a tout gagné. Merci Cédric Masson, référent police, policier de l'environnement à l'OFB, l'Office français de la biodiversité dans la Marne. Merci à vous. Merci Olivier Catio. Le reportage est à retrouver en photo avec des infos complémentaires sur nos réseaux sociaux et sur francebleu.fr. 16h-19h sur France Bleu Champagne Ardennes, c'est ici que ça se passe. Et maintenant j'accueille Romain Gaudreau de Quartier Libre à Reims. Bonjour Arnaud et bienvenue dans le studio. Bonjour, pourquoi merci. J'ai dit Arnaud, c'est Romain. Oui, c'est Romain. Mais je me plante, pardon, Romain Gaudreau. Voilà, pas de souci. Arnaud, c'est Arnaud Basserie, voilà. Qui vient souvent pour Quartier Libre également. Oui. Romain, vous êtes le programmateur de Quartier Libre. Déjà en deux mots, on resitue Quartier Libre, j'aime bien le redire. Parce que parfois, Quartier Libre, ça peut être un peu obscur pour certaines personnes. Voilà. Il se passe beaucoup de choses à Quartier Libre. Alors, on peut même parler plus précisément de la Petite Halle. En fait, oui. La Petite Halle, c'est la salle événementielle. C'est le pendant public du projet Quartier Libre. Voilà. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses. Tous les week-ends, même plus, hein, oui. Souvent du mercredi au dimanche, on accueille du public. Et vous programmez toutes sortes d'événements, de spectacles, de la musique, mille choses par exemple. Tiens, demain soir, grande soirée blind test, ça vous le faites tous les mois de toute voilà, façon. Voilà, demain soir, on a rendez-vous avec l'association Underground Zero pour proposer le blind test. Donc c'est un format mensuel. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est très rapidement complet. Oui. Très rapidement complet. Là, je comprends bien, c'est vraiment pour tout le monde parce que, alors évidemment, c'est toujours la surprise, les blind tests, on ne sait jamais sur quelle thématique on va jouer. Mm-hmm. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice pour bien expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Allez. On peut le faire. J'ai demandé à Arnaud, qui réalise l'émission, de nous choisir deux titres. On va devoir le reconnaître. Vous et moi, le plus rapide, hein, évidemment, c'est ça le principe. Bien sûr. Je ne sais pas ce qui passe à la radio, d'accord? Ce sera la surprise. On va voir si on est bon. On y va? Allez-y. Le blind test, c'est ça, mes amis. Je l'ai. Moi aussi, mais C'est Maggie Reilly, la chanteuse, et c'est le chanteur, le musicien. C'est Moonlight Shadow. Moonlight Shadow, ouais, tout à fait. Et je sais plus l'interprète. Hein, mince, j'ai un trou. Ça, c'est le blind test, en fait. C'est le blind test. Voilà, il y a un extrait de chanson qui est Michael diffusé. Field, ça me revient. Michael Field, ouais. Michael Field avec Moonlight Shadow. C'est ça. Il y a un extrait de chanson qui est diffusé pendant 10, 20, 30 secondes. Ouais. Et donc ça se passe par équipe de 6. L'équipe la plus rapide, quelqu'un lève la main, un arbitre vient voir et lui chuchote le mot à l'oreille, enfin le titre à l'oreille. Si c'est bon, le point est pour eux. Si c'est pas bon, il passe à une autre table. Bon, le point, voilà. Il est pour qui là? Il est pour moi ou pour vous? Enfin, pour qui il est le point? Non, il est plutôt. Arnaud, il dit que c'est pour moi. C'est oui, ça oui, okay. oui. J'ai pas été brillant. C'est pas grave, ça arrive, Romain. Allez, mais je suis pas fort en blind test. On va se refaire sur ce deuxième extrait. On va voir. On y va, un deuxième morceau. Ah non, mais ça, c'est trop facile. Ah, mais ça, j'adore. Goodbye Stranger de... Ouais. De... Je l'ai, Super Trump. Bravo. Mais oui. Allez, je voulais laisser Robin un partout. Voilà. Très c'est bien. Génial, en fait. Demain soir, on joue comme ça. Alors, évidemment, les thématiques vont varier. Il y a plusieurs thématiques dans la soirée, j'imagine. Voilà, en fait, en général, il y a trois thèmes. Ils ne sont jamais annoncés à l'avance. C'est pour cause, parce que s'il annonçait, je ne sais pas, un thème Disney... Ben, les gens qui veulent venir écouteraient des playlists Disney pour être au fait. Donc les playlists, c'est toujours des surprises. Bon, voilà. Et juste, je me permets, parlant de surprises, demain soir, on inaugure aussi notre restauration à la Petite Halle. Alors c'est une nouvelle restauration ? Oui, c'est une nouvelle restauration. En fait, jusque-là, on a eu plusieurs partenaires qui venaient proposer à manger. Et là, cette année, on ouvre avec Laura, anciennement du Good Truck, qui ouvre le restaurant Munchies. Donc dès demain soir... Et qu'est-ce que c'est alors comme restauration ? Eh ben, c'est de la... Pardon, excusez-moi, un chat de la gorge. C'est mon rhume peut-être que je vous transmets. Ah non, pas ça. J'espère pas. C'est de la restauration très qualitative. On pourra manger des pizzas, des hot-dogs. Il y a des classiques nachos avec du cheddar fondu par-dessus. Il y a aussi des solutions végétariennes avec des burritos végétariens qui sont délicieux. Des petits assortiments de charcuterie, fromage, de quoi bien manger. Il y en a pour tout le monde. C'est donc demain soir. Le blind test, ça commence à quelle heure à Quartier? Alors ça commence en général entre 20h30 et 20h45. D'accord. Pour les personnes intéressées, il faut vraiment venir très tôt. Nous, on ouvre les portes au public dès 18h. Et sur le dernier blind test, on était complet, je crois, à 19h30. Ah oui, d'accord. Donc, il faut vraiment venir tôt. C'est vraiment un moment sympa, vraiment. Ouais, mais c'est tous les mois. Donc, ceux qui ne peuvent pas venir demain, suivez nos réseaux et vous pourrez peut-être participer au prochain. Absolument. Romain Godreau pour Quartier Libre, La Petite Heue à la Reims. Restez avec nous, on a encore plein de choses à se dire. Il y a le Sacré Burlesque Festival qui arrive bientôt dans vos locaux. Mmh. On va expliquer à nos auditeurs ce qui les attend dans les prochaines semaines. Et en attendant, sur France Bleu, on écoute Dermot Kennedy qui chante Kiss Me. Ça va bouger un petit peu dans la radio. Mmh. Bon après-midi. For the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. If we died tonight. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Yeah. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died. Night in my lungs, you're all that I wanna breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. Dermot Kennedy sur France Bleu, il chante Kiss Me. À 17h36, toujours en direct avec Romain Godreau dans ce studio. Romain Godreau qui représente la Petite Heue du Quartier Libre. C'est vous le programmateur de tous les événements. On a évoqué la soirée de demain à Quartier Libre, donc à la Petite Heue. On a évoqué cette soirée blind test, très sympa, reconnaître des chansons, etc. Oui. Il y a toutes sortes d'événements très divers et variés. Par exemple, le Sacré Burlesque, c'est un festival. On est sur les feuillages, c'est ça? Complètement. Alors, le Sacré Burlesque, ce sera la troisième édition qu'on fait ça. On fait ça avec Eva et Doty. Donc c'est la troisième année où on les reçoit et c'est effeuillage burlesque, drag queen, drag king. Mmh. Ça aussi ça marche très très bien de plus en plus. D'ailleurs je vois qu'il y a un vrai intérêt du public pour ce genre de rendez-vous là. Ouais, complètement. Bah en fait l'intérêt a été un petit peu aussi augmenté avec l'émission Drag Race France. en fait, qui a mis un petit peu, qui a mis en lumière cette scène et cette manière aussi de se divertir. Mmh. Et voilà, nous on le propose depuis maintenant 3 ans, donc c'était bien avant tout ce buzz. Ouais. Et on a reçu l'année passée comme maîtresse de cérémonie Big Bertha, qui était l'une des participantes de Drag Race France. D'accord. Voilà. Bon, là, pour ce festival-là, il arrive quand, le Sacré Burlesque ? Alors, c'est le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 novembre. Donc, dans quelques jours. Hein, donc, ça arrive bientôt, c'est très vite. Le samedi est déjà complet. Ouais. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à se reporter sur... Dans le cadre du festival, en dehors de les feuillages typiquement burlesques, il y a des événements particuliers ou pas ? Alors, ce qu'il va y avoir à la Petite Halle, en dehors des spectacles, on va avoir tout un espèce de marché. Marché de créatrices, mais très axé sur le burlesque. Ouais. Donc pour acheter des chapeaux, des accessoires, tout un tas de petites choses. Voilà. Mais le burlesque, je me permets de le dire, il y a beaucoup de femmes qui sont d'ailleurs en couple, qui sont attirées par le côté burlesque. Ouais. Parce que quand on arrive à 45-50 ans, par exemple, on a parfois envie aussi de se prouver à soi qu'on peut plaire, qu'on peut s'amuser. Etc., exactement, etc. En fait, le burlesque permet de s'apprécier et de s'aimer comme on est. Et d'assumer tout ce qu'on est. Et de dire, c'est pas grave, je suis très dénudé devant un public, mais je m'aime, et voilà. Et je vous en papaoute, comme dirait l'autre. Exactement. Alors, vraiment, deux secondes sur ça, l'anniversaire d'un photographe, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Alors, on travaille depuis très longtemps avec Vincent VDH, donc c'est un photographe qui travaille avec beaucoup, beaucoup de structures ici sur Reims. Mmh. Et en fait, il nous fait un petit peu l'honneur de venir fêter ses 40 ans chez nous. Mais alors, tant mieux pour lui. Oui. Mais alors, c'est quoi l'idée pour le public ? L'idée, c'est que la soirée sera gratuite, tout le monde peut venir. Il va proposer pendant cette soirée une expo photo qu'il a réalisée vraiment pour son anniversaire. L'expo s'appelle Miroir Ball. C'est toute une série de photos réalisées avec une boule à facettes utilisée comme masque. Voilà, il y aura de la musique, il y aura des DJ, il y aura une super ambiance. Ça va être une très belle soirée, c'est le 28. Voilà, on a évoqué simplement 3 événements. Hein. On pourrait rester toute la soirée à parler de ce qui se passe. Mais vous reviendrez de toute façon. Avec plaisir. Le Sacré Burlesque, le Blind Test demain soir, l'anniversaire du photographe. Il y a encore tellement d'autres rendez-vous. Le mieux, c'est de vous suivre la Petite Halle du Quartier Libre. Sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent. Tout à fait, sur Instagram, beaucoup sur Instagram également, sur Facebook. Oui, absolument, voilà. J'ai vu tout ça. Eh bien, merci beaucoup Robin Gaudreau. Merci beaucoup. À très très vite. Donc, à la Petite Halle du Quartier Libre à Reims. À bientôt. À bientôt. La sélection des meilleures idées de sortie avec vos invitations à gagner. 16h-18h, c'est ici que ça se passe, sur France Bleu Champagne Ardenne. Restez avec nous, dans un instant on écoutera Angry, le nouveau Stones, les Rolling Stones. Le 6-9, France Bleu Champagne Ardenne. Vous habitez ici ? Nous aussi. Voilà une excellente raison de commencer la journée ensemble, vous croyez pas ? On vous amène l'essentiel au réveil. Météo, actualité, infos pratiques d'ici pour vous faciliter le quotidien. Vos tubes préférés, y a rien de mieux pour commencer la journée. Et tout cela avec une bonne dose d'énergie et de bonne humeur. Donc si vous habitez ici, réveillez-vous ici. Ici, c'est le 6-9 France Bleu Champagne Ardennes. Alors à demain. La météo sur la Marne et les Ardennes, c'est encore un temps pluvieux. Là, on s'est fin d'après-midi, on a des petites averses. Demain, d'après Météo France, on se réveille avec un temps qui est variable. Là encore, des nuages, des averses. Et puis, on attendra la fin de journée pour avoir le retour du soleil en ce jeudi. Donc demain, les maximales seront comprises entre 18 et 20 degrés. Cette nuit, il fera un petit peu plus frais, 11 à 12 degrés évidemment. Concernant la qualité de l'air, Atmo Grand Est nous dit qu'elle est moyenne sur Charleville, sur Reims, sur Épernay, sur Chalon et sur Troyes. Sur France Bleu, la musique en mode happy hour, c'est un titre écouté, un titre offert. Don't Speak, le groupe No Doubt, dans 3 minutes, mais d'abord, comme promis, le nouveau Stone sur France Bleu. Écoutez Angry, c'est rock'n'roll. Entre 16h et 19h sur France Bleu, faites le plein de musique. 16h et 19h sur France Bleu, la musique est en mode happy hour. Plus de musique à écouter, plus de musique à partager. Adopte sur France Bleu Champagne avec Don't Speak. À la télé ce soir sur France 3, Secret d'Histoire, Vercingétorix, le premier des Gaulois. France 3, Secret d'Histoire, vous le savez, c'est avec Stéphane Bern qui va donc nous replonger dans cette